C'est la sirène du rap français. Chimie Altex Music. Oh nana oh. Ça a fait péter le sang. Prendre la feuille et la fracturer par passion. J'ai fait mon truc sans te suivre les tentations. J'ai mon essence donc j'ai pas eu besoin de station. Voulu chanter parce que le public m'a dit je t'aime. Le rap c'est quoi, je trouve pas l'amour chez un disquaire. Toute manière on a toujours voulu s'ambiancer. Action, c'est la sirène du rap français. Oh nana oh. On a mille branches, dépassé le futur est devenu vintage. Nouvel album, mais j'ai dû finir Walking Dead. C'est la sirène du rap français dans la disquette. Trop de code, pareil que le sérieux est un sketch. Yo yo, allez-y, envoyez le cri de guerre. Un combattant, c'est celui qui a l'envie de perdre. Un combattant, c'est celui qui a l'envie de perdre. Oh nana oh. Allez-y, envoyez le cri de guerre. La sirène, la sirène. C'est ça. La sirène du rap français. Sprinter. Oh nana, oh nana.